Yes, yes. Et j'avais pas capté la vie, c'est des souvenirs qu'on capture. Je me focalise sur le côté triste de celle-ci et c'est absurde. Je perds mon temps en tête dans les nuages à compter sur les autres. Dans le miroir, quelqu'un me dévisage, je reconnais mes torts. Celui d'aller à contre-courant à la recherche du risque. Ma paix, mais je dois vous l'admettre, de me préparer au pire. Chaque jour j'engrange un peu plus de confiance en moi. Je relève la tête, connais mon rôle. Arrêter le cinéma, me plaindre n'arrangera pas les choses. J'en ai conscience, le travail paye seulement avec acharnement et constance. L'existence est un combat, donc si tombe je remets les gants. Je remplirai ma part du contrat, confiant je connais mes chances. Clairvoyant et carte en main, la partie est bien plus facile. Logique que je viens à m'envoler, tant ma plume me fascine. J'ai pris le large, la route est longue, l'équipage garde le cap. L'histoire s'écrit chaque jour et celle la passion parlera. Ensemble on s'est serré les coudes, on a bouffé les pattes. On a vomi nos textes sur YouTube, histoire que tu les télécharges. Ensemble on s'est creusé la boule, on a gratté les phases. On a promis, nos rêves à la foule sans modifier le message. Ensemble on s'est serré les coudes, on a bouffé les pattes. On a vomi nos textes sur YouTube, histoire que tu les télécharges. Ensemble on s'est creusé la boule, on a gratté les phases. On a promis, nos rêves à la foule sans modifier le message. Je pense être prêt à prendre la route, les pétales d'euros s'envolent. J'ai vu la cime du mont brûlé, déçu de la suite, rêve on s'endort. Et t'aimes-toi fort, tu verras rien d'autre, la chaleur du beat tu me freines. À trois comme soi, si ma part froide, il roule la bite, sale tête vice, on se gratte le crâne du soir au matin. Évite de perdre la tête, on est à l'ouest depuis que chaque soir laisse place au chagrin. Trou noir à l'horizon, rien à part ces quelques notes. On apprend ce qui nous dessert sans trop le savoir, c'est presque drôle. Pour ces soirs où je perds patience, fini qu'à les ferme la fenêtre. Ces années n'ont qu'efface et toutes mes armes, je dois me l'admettre. J'ai perdu le temps, la notion de bon sens. L'amour ne me fait pas confiance. Savoir la suite chaque jour, j'arrive à me dire qu'on est à bon port. Mère m'en bloque la trace, on s'empare du résultat. À rouler du soir au matin, on se détend s'il reste une taf. Et j'ai plus le time, sûr de rien, je pense qu'à remettra plus tard. Ce qui ralentit ma chute, hélas, l'accélère pas d'une part. J'connais ma Kojitsu, gros shit avant de passer. Allons crier sur tous les toits. Foncer, trimer tous les soirs, indétrônable. C'est le rap, un des connards infréquentables. Quand je suis censé t'attaquer sans état d'âme, toujours la redescente fatale. Je ne connais pas de mes hommes quand je suis trop près de ma talatale. Le raisonnement est simple, au prix pour pas que le réseau change. Fais calmement le chien Sammy, je mets sans avoir un sourire autant. Et si la tête de grande se bute avec l'équipe, ça chante 3h du mat avec les tripes. Ça pue la frite, j'connais le patron du grec du coin, j'connais la suite. Demain n'est pas si loin, je serai sédent si on fait car. Agrippé au ton car, je dois faire ça et pas plus. Et donc accoudé au comptoir, pas de merde, c'est déjà sûr. Pas très à l'aise quand il s'agit de parler de la chute. Revoir ton pote, trouver l'envol dans le parachute. La balle au pied, comment trouver le chemin des buts. Il faut taffer les mains bloquées au fond des poches du fut. Ensemble on s'est serré les coudes, on a bouffé les pattes. On a vomi nos textes sur YouTube, histoire que tu les télécharges. Ensemble on s'est creusé la boule, on a gratté les phases. On a promis, nos rêves à la foule sans modifier le message. Ensemble on s'est serré les coudes, on a bouffé les pattes. On a vomi nos textes sur YouTube, histoire que tu les télécharges. Ensemble on s'est creusé la boule, on a gratté les phases. On a promis, nos rêves à la foule sans modifier le message. Ensemble rien n'est possible, mon caractère en guise de kryptonite. C'est drôle, j'immortalise les moments de ma vie les plus dépressifs. Frérot, je dépéris, qu'on se 8, c'est ça, t'écoute l'épicerie. Avec les poteaux pour rentrer, on marche comme des équilibristes. La chance est un état d'esprit, c'est ce que me répond le pervers qui nous a pris en stop à 808 stars sur les sites. Tout ça pousse à réfléchir, au schlag du gauche, je m'identifie. Je suis un mec trop pauvre en rime pour essayer de quitter la ville. Toujours un pas devant l'autre, ce soir je rentre pas avant l'aube. On se tape une taille, un croc avec la mif sans penser à autre chose. C'est que d'impro, on en profite, car rarement la vie fait de cadeaux. On frime en bande depuis l'époque, des livres de fesses dans nos sacs à dos. On était jeunes et cons, mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est comme dire que la maison s'effondre sous le poids de ses fondations. Génération film d'action, déçu de voir ce que devient ce monde. Y'a pas de gêne dans l'histoire pour venir arrêter nos bombes. Ensemble on s'est serré les coudes, on a bouffé les pattes. On a vomi nos textes sur YouTube, histoire que tu les télécharges. Ensemble on s'est creusé la boule, on a gratté les phases. On a promis, nos rêves à la foule sans modifier le message. Ensemble on s'est serré les coudes, on a bouffé les pattes. On a vomi nos textes sur YouTube, histoire que tu les télécharges. Ensemble on s'est creusé la boule, on a gratté les phases. On a promis, nos rêves à la foule sans modifier le message.